Suite de mon journal, 5 mai 1896. Je n'ai plus rien à dire. Tout se ressemble dans son atrocité. Quelle horrible vie. Pas un moment de repos, ni de jour, ni de nuit. Jusqu'à ces derniers temps, les surveillants restaient assis la nuit dans le corps de garde. Je n'étais réveillée que toutes les heures. Maintenant, ils doivent marcher sans jamais s'arrêter. La plupart sont en sabots. Puis le journal s'arrête pendant plus de 2 mois. Les journées se passaient également tristes, également angoissantes. Mais je gardais la ferme volonté de lutter, de ne me laisser abattre par aucun des supplices qui m'étaient infligés. Je fus en outre atteint en juin de forts accès de fièvre, qui provoquèrent même des congestions cérébrales. Voici quelques extraits des lettres de ma femme que je reçus en mai et juin 1896. Paris, 29 décembre 1896. Lorsque j'ai reçu ton courrier de décembre, mes lettres étaient toutes prêtes à partir. Les quelques lignes que j'ai encore pu y ajouter n'ont pu t'exprimer qu'insuffisamment le bonheur, la joie immense qu'il m'a procuré. Tes paroles affectueuses m'ont bien ému. Lorsqu'on est bien malheureux, lorsqu'on a le cœur déchiré, l'âme triste, rien n'est plus doux que de sentir au milieu de tous ces chagrins une affection sûre, un dévouement intense, dont toutes les forces vives, la volonté, l'intelligence, sont concentrés et tendus pour vous soutenir et vous apportent, à défaut d'une aide efficace, un secours moral qui, présent à toute heure, décuple les forces et vous empêche de défaillir lâchement dans les moments de douleur trop grande. Paris, 20 mars 1896. Tu peux t'imaginer l'angoisse que j'éprouve quand je vois arriver la deuxième quinzaine du mois, ce qui signifie pour moi le départ du courrier. Tant que ce moment n'est pas tout proche, j'espère même jusqu'à la dernière minute pouvoir t'annoncer le terme de tes souffrances, la fin de notre chagrin. Et puis les lettres s'en vont, elles sont comme toujours vides de nouvelles. Et un atroce déchirement se fait en moi à la pensée de la profonde déception que tu vas avoir. Paris, 1er avril 1896. J'ai vu partir avec une grande tristesse le dernier courrier. Jusqu'au dernier instant, j'avais espéré pouvoir te mettre une parole réconfortante. Mais courage, je te le demande avec toute la force, toutes les supplications de ta femme qui t'adore. Au nom de tes enfants bien-aimés, qui t'aiment déjà de tout leur petit cœur et qui auront pour toi une reconnaissance infinie, lorsqu'ils comprendront la grandeur du sacrifice que tu leur as fait. Pour moi, je ne pourrais assez te dire quelle admiration j'ai pour toi, avec quelle tendresse ma pensée t'accompagne nuit et jour, combien je souffre de te sentir malheureux. Tes chagrins, ta douleur, toutes les sensations qui te torturent trouvent un écho dans mon être et me font subir des angoisses atroces. Rien ne peut me consoler de ne pouvoir vivre auprès de toi, de ne pas être là pour te soutenir, pour éviter les défaillances, pour atténuer tes souffrances. Dans cet épouvantable malheur, c'eût été pour moi un bien grand apaisement que de pouvoir t'entourer, de te faire sentir à tout moment qu'une nature aimante et dévouée veillait à tes côtés, toujours prête à entendre tes plaintes, à recevoir le débordement de ta douleur, de ta peine. Eh bien, cette affection si intense que j'aurais tant voulu t'apporter pendant ces chagrins s'accroît encore, si cela est possible, par les angoisses atroces que me donne la distance qui nous sépare, le manque de nouvelles, la vie si triste, si isolée que tu subis. Je renonce enfin à te décrire cet ensemble d'impressions. Elles sont trop douloureuses pour que je vienne t'en affecter, trop intenses et trop profondes pour les confier à cette feuille de papier si froide et si banale. Lucie. Suite de mon journal. 26 juillet 1896. Voilà bien longtemps que je n'ai rien ajouté à mon journal. Mes pensées, mes sentiments, ma tristesse sont les mêmes. Mais si la faiblesse physique et cérébrale s'accentue chaque jour, ma volonté reste toujours aussi forte. Je n'ai même pas reçu ce mois-ci les lettres de ma femme. 2 août 1896. Enfin, je viens de recevoir les courriers de mai et de juin. Toujours rien. Toujours encore rien, peu importe. Je lutterai contre mon corps, contre mon cerveau, contre mon cœur, tant qu'il me restera ombre de force, tant qu'on ne m'aura pas jeté dans la tombe, car je veux voir la fin de ce sinistre drame. Je souhaite pour nous tous que ce moment ne tarde plus. Extrait des lettres de ma femme reçues le 2 août 1896. Paris, 10 juin 1896. Je t'écris encore toute troublée par tes chères et bonnes lettres que je viens de recevoir. Au premier moment, quand je vois ton écriture chérie, quand je lis ces lignes qui m'apportent ta pensée, les seules nouvelles que j'ai pendant un grand mois, je suis comme folle de chagrin. Ma tête gonflée ne comprend plus, je pleure à chaudes larmes. Puis je me ressaisis, j'ai honte de m'être laissé abattre par l'émotion, honte de ma faiblesse, et je puise dans ta fermeté, dans ton énergie, dans ma puissante affection, une nouvelle provision de courage. Néanmoins, tes lettres me font un bien énorme. Et si l'émotion me brise, j'ai le bonheur de te lire, l'illusion d'entendre quelques instants ta voix aimée. Paris, 25 juin 1896. J'ajoute encore quelques lignes à mes lettres avant le départ du courrier. Je tiens à te dire que je suis forte, que ma volonté est inébranlable, que j'arriverai à te faire rendre ton honneur. Et je te supplie d'avoir avec moi cet espoir absolu en l'avenir, cette foi qui nous fait accepter les plus dures situations, pour arriver à rendre à nos enfants un nom sans tache, un nom respecté. Lucie. Suite de mon journal, 30 août 1896. Voici de nouveau cette période si énervante où j'attends mon courrier, où je me demande quel jour il me parviendra et quelle nouvelle il m'apportera. Quel pénible mois d'août ma pauvre Lucie a dû avoir. D'abord la lettre que je lui ai écrite au commencement de juillet, au milieu des fièvres qui me tenaient depuis une dizaine de jours et ne recevant pas mon courrier. C'était tout à la fois venant ajouter à mes tortures. Je n'ai pas su me contenir, me dominer, et je lui ai encore jeté mes cris de détresse et de douleur, comme si elle ne souffrait pas déjà assez, comme si son impatience de voir arriver la fin de cet horrible drame n'était pas aussi grande que la mienne. Ma pauvre et chère Lucie. Puis le jour de sa fête a dû passer bien tristement. Je croyais qu'il ne m'était plus possible de souffrir davantage que je souffre. Ce jour-là, cependant, a été encore plus atroce que les autres. Si je ne m'étais pas retenue avec une volonté farouche, comprimant mon cœur, tout mon être, j'aurais hurlé de douleur, tant ma souffrance était âpre, vive, violente. À travers l'espace, ma chère Lucie, à travers l'espace, ma chère Lucie, je t'envoie en ce moment l'expression de ma profonde affection, de toute ma tendresse, et ce cri toujours le même, ardent, invariable, courage et courage, devant le but à atteindre, toute la vérité, tout l'honneur de notre nom, souffrance, torture sans nom, tout doit disparaître, tout doit s'effacer. 1er septembre 1896. Journée atrocement longue dans l'attente, comme chaque mois, de mon courrier. À me demander aussi ce qui m'apportera. Je suis comme cristallisée dans ma douleur. Je suis obligée de concentrer toutes mes forces pour ne plus penser, pour ne plus voir. Quelle douleur, quel supplice pour toute une famille dont la vie tout entière est une vie d'honneur, de droiture, de loyauté. Mercredi 2 septembre 1896, 10h du matin. Les nerfs m'ont fait horriblement souffrir toute la nuit. J'aurais voulu les calmer ce matin en marchant un peu. Mais il tombe une pluie torrentielle extraordinaire à cette période de l'année, car nous sommes dans la saison sèche, et de nouveau plus rien à lire. Aucun de tous les envois de livres faits par ma chère Lucie depuis le mois de mars ne m'est encore parvenu. Rien enfin pour tuer l'atroce longueur des heures. J'avais demandé il y a longtemps n'importe quel travail manuel pour m'occuper un peu. Il ne m'a pas été répondu. Je scrute l'horizon à travers le grillage de la lucarne pour voir si je n'apercevrai pas quelques fumées, l'annonce de l'arrivée du courrier venant de Cayenne. Même jour midi, j'aperçois à l'horizon du côté de Cayenne un panache de fumée, ce doit être le courrier. Même jour, 7h, soir. Le courrier est arrivé en rade à 1h du soir. Je n'ai toujours pas de lettres, je pense qu'il ne me les a pas apportées, quel infernal supplice. Mais au-dessus de tout, plane immuablement le souci de notre bonheur. Le but est là, invariable, quelles que soient toutes nos souffrances. Jeudi 3 septembre, 6h matin. Nuit horrible de fièvre et de délire. 9h matin. Le canot est arrivé, n'a toujours pas apporté mes lettres. Il est donc évident qu'elles sont restées à Cayenne, où elles sont depuis le 28 du mois dernier. Vendredi 4 septembre 1896. J'ai reçu hier au soir le courrier qui était arrivé. Il n'y avait qu'une seule des lettres que ma chère Lucie m'a écrite. Comme on sent chez tous une souffrance horrible, un désespoir farouche, de ne pas encore pouvoir m'annoncer la découverte du coupable, le terme de nos tortures à tous. L'eau me perlait du front à la lecture des lettres des membres de ma famille. Les jambes tremblaient sous moi. Est-il possible que des êtres humains puissent souffrir ainsi et d'une manière aussi imméritée? Devant une situation aussi atroce, les mots n'ont plus aucune valeur. On ne souffre même plus tant on est hébété. Ô ma pauvre Lucie, ô mes chers et bons enfants. Ah, que le poids de toutes ces tortures sans nom retombe sur ceux qui ont poursuivi ainsi un innocent, toute sa famille, le jour où la lumière sera faite, où le coupable sera démasqué. Samedi 5 septembre 1896. Je viens d'écrire 3 longues lettres successivement à ma chère Lucie, pour lui dire de ne pas se laisser abattre, mais d'agir, de faire appel à tous les concours, car une situation pareille, supportée depuis si longtemps, devient trop écrasante, trop atroce. Il s'agit de l'honneur de notre nom, de la vie de nos enfants. Devant ce but, tout doit se taire. Tout ce qui gronde dans nos cœurs, tout ce qui bouleverse nos esprits, tout ce qui fait monter l'amertume du cœur aux lèvres. Je ne parle même plus de mes journées, de mes nuits. Tout se ressemble en son atrocité. Dimanche 6 septembre 1896. Je viens d'être prévenue que je ne pourrai plus me promener dans la partie de l'île qui m'était réservée. Je ne pourrai plus marcher qu'autour de ma case. Combien de temps résisterai-je encore? Je n'en sais rien. Je souhaite que cet horrible supplice finisse bientôt. Sinon, je lègue mes enfants à la France, à la patrie, que j'ai toujours servi avec dévouement, avec loyauté, en suppliant de toute mon âme, de toutes mes forces, ceux qui sont à la tête des affaires de notre pays, de faire la lumière la plus complète sur cet effroyable drame. Et ce jour-là, à eux de comprendre ce que des êtres humains ont souffert d'atroces tortures imméritées, et de reporter sur mes pauvres enfants toute la pitié que mérite une pareille infortune. Même jour, 2 heures, soir. Que ma tête me fait souffrir comme la mort me serait douce. Oh, ma chère Lucie, mes pauvres enfants, tous les chers miens, qu'ai-je donc fait sur terre pour être appelée à souffrir ainsi? Lundi 7 septembre 1896. J'ai été mis au fer hier au soir. Pourquoi, je l'ignore. Depuis que je suis ici, j'ai toujours suivi strictement le chemin qui m'était tracé, observé intégralement les consignes qui m'étaient données. Comment ne suis-je pas devenu fou dans la longueur de cette nuit atroce? Quelle force nous donne la conscience, le sentiment du devoir à remplir vis-à-vis de ses enfants. Innocent, mon devoir est d'aller jusqu'au bout de mes forces. Tant que l'on ne m'aura pas tué, je remplirai simplement mon devoir. Quant à ceux qui se sont constitués ainsi mes bourreaux, ah, je leur laisse leur seule conscience pour juge quand la lumière sera faite, la vérité découverte, car tôt ou tard, tout se découvre dans la vie. Même jour. Tout ce que je souffre est horrible, mais je n'ai même plus de colère contre ceux qui font ainsi supplicier un innocent, une grande pitié seulement. Mardi 8 septembre 1896. Ces nuits au fer, je ne parle même pas du supplice physique, mais quel supplice moral. Et sans aucune explication, sans savoir pourquoi, sans savoir pour quelle cause. Dans quel horrible et atroce cauchemar vis-je depuis tantôt 2 ans. Enfin, mon devoir est d'aller jusqu'à la limite de mes forces, j'irai tout simplement. Quelle agonie morale pour un innocent, pire que toutes les agonies physiques. Et dans cette détresse profonde de tout mon être, je vous envoie encore toute l'expression de mon affection, de mon amour, ma chère Lucie, mes chers et adorés enfants. Même jour, 2 heures, soir. Mon cerveau est tellement frappé, tellement bouleversé par tout ce qui m'arrive depuis bientôt 2 ans que je n'en peux plus, que tout défaille en moi. C'est vraiment trop pour des épaules humaines. Que ne suis-je dans la tombe? Oh, le repos éternel. Encore une fois, quand la lumière sera faite, oh, je lègue mes enfants à la France, à ma chère patrie. Mon cher petit Pierre, ma chère petite Jeanne, ma chère Lucie, vous tous que j'aime du plus profond de mon cœur, de toute l'ardeur de mon âme, croyez bien, si ces lignes vous parviennent, que j'aurai fait tout ce qui est humainement possible pour résister. Mercredi 9 septembre 1896. Le commandant des îles est venu hier soir. Il m'a dit que la mesure qui était prise à mon égard n'était pas une punition, mais une mesure de sûreté, car l'administration n'avait aucune plainte à élever contre moi. La mise au fer, une mesure de sûreté, quand je suis déjà gardée nuit et jour comme une bête fauve par un surveillant armé d'un revolver et d'un fusil? Non, il faut dire les choses comme elles sont, c'est une mesure de haine, de torture, ordonnée de Paris par ceux qui, ne pouvant frapper une famille, frappent un innocent parce que ni lui, ni sa famille ne veulent, ne doivent s'incliner devant la plus épouvantable des erreurs judiciaires qui aient jamais été commises. Qui est-ce qui s'est constitué ainsi mon bourreau, le bourreau des miens, je ne saurais le dire. On sent bien que l'administration locale, sauf le surveillant-chef, spécialement envoyé de Paris, a elle-même l'horreur de mesures aussi arbitraires, aussi inhumaines, mais qu'elle est obligée de m'appliquer, n'ayant pas à discuter avec des consignes qui lui sont imposées. Non, la responsabilité monte plus haut, à l'auteur ou aux auteurs de ces consignes inhumaines. Enfin, quels que soient les supplices, les tortures physiques et morales qu'on m'inflige, mon devoir, celui des miens, reste toujours le même. Il est de demander, de vouloir la lumière la plus éclatante sur cet effroyable drame. En innocents qui n'ont rien à craindre, qui ne craignent rien, puisque la seule chose qu'ils demandent, c'est la vérité. Quand je pense à tout cela, je n'ai même plus de colère, une immense pitié seulement pour ceux qui torturent ainsi tant d'êtres humains. Quel remords ils se préparent quand la lumière sera faite, car l'histoire, elle, ne connaît pas de secret. Tout est si triste en moi, mon cœur tellement labouré, mon cerveau tellement broyé que c'est avec peine que je puis encore rassembler mes idées. C'est vraiment trop souffrir et toujours devant moi cette énigme épouvantable. Jeudi 10 septembre 1896. Je suis tellement là, tellement brisée de corps et d'âme, que j'arrête aujourd'hui ce journal, ne pouvant prévoir jusqu'où iront mes forces, quel jour mon cerveau éclatera sous le poids de tant de tortures. Je le termine en adressant à Monsieur le Président de la République cette supplique suprême, au cas où je succomberai avant d'avoir vu la fin de cet horrible drame. Monsieur le Président de la République, je me permets de vous demander que ce journal, écrit au jour le jour, soit remis à ma femme. On y trouvera peut-être, Monsieur le Président, des cris de colère, d'épouvante contre la condamnation la plus effroyable qui ait jamais frappé un être humain, et un être humain qui n'a jamais forfait à l'honneur. Je ne me sens plus le courage de le relire, de refaire cet horrible voyage. Je ne récrimine aujourd'hui contre personne. Chacun a cru agir dans la plénitude de ses droits, de sa conscience. Je déclare simplement encore que je suis innocent de ce crime abominable. Et je ne demande toujours qu'une chose, toujours la même, la recherche du véritable coupable, l'auteur de cet abominable forfait. Et le jour où la lumière sera faite, je demande qu'on reporte sur ma chère femme, sur mes chers enfants, toute la pitié que pourra inspirer une si grande infortune. Fin du journal.